sauvage, t'en supplie, quitte-la pendant qu'il y a encore temps. Je suis ton frère, ça ne l'oublie pas. Comme une promesse qu'elle s'entraînait pour ne pas faire un faux pas. Tu sais, frère, plein de meufs t'aiment. Je sais que toi c'est elle, mais elle ce n'est pas toi. Crois en nous, frère, car elle ne croit pas en toi. Tu en trouveras une mieux. Ça, je peux t'assurer d'un mec en or. Donc, perds pas ton temps avec une tasse B. Si tu la quittes pas, c'est moi qui te le fais. Ça, je te le promets. Je ne peux pas laisser passer ça. Je l'ai encore vu hier avec son nouveau que. Mais désolé de te dire ça comme ça, car je sais que tu l'aimais. Mais elle de ton frère, c'est ton cœur qu'elle a brisé en millions de morceaux. Mais je serai toujours près de toi dans ce radeau. Mais de trop mec, ouvre les yeux, tu peux pas rester comme ça. Vivre à deux, ce n'est pas possible avec elle. Ouvre les yeux, frère. Mes frères, ouvre les yeux, regarde-moi, regarde-toi. Tu ne peux pas rester comme ça, elle ne t'aime pas. Tu veux que je la quitte alors qu'à qu'elle à mes yeux. Sans elle mon futur s'effrite, je te jure que j'en suis amoureux. C'est très bien que je l'aime malgré toutes les belles filles que j'ai derrière moi. Je veux pas la quitter que lui dire je t'aime malgré que je suis en manque de ses bras. Putain, j'arrive pas à le croire qu'elle osait me tromper. Maintenant j'ai broyé du noir, mon cœur est complètement arraché. Je peux plus, c'est la misère, je veux être avec elle jusqu'à la mort. J'ai la haine, les larmes coulent toutes seules, en moi vient de naître un grand mal. Mon cœur saigne, tu jure, montre-moi son cum. Je le tue, je m'en branle de l'univers carcéral. Je veux pas ouvrir les yeux, mes sentiments prennent le dessus. J'aurais dû m'en douter, sérieux, avec tous les plans qu'elle m'a mis cette bulle. Mais de gros mec, ouvre les yeux, tu peux pas rester comme ça. Vivre à deux, ce n'est pas possible avec elle. Ouvre les yeux, frère. Mes frères, ouvre les yeux, regarde-moi. Regarde-toi, tu ne peux pas rester comme ça. Elle ne t'aime pas. Tu sais, frère, que je suis là pour toi. Ne t'en fais pas, je serai près de toi. Tu sais que je n'aime pas quand tu es comme ça. Tu sais qu'il ne faut pas pleurer pour ça. L'amour n'est pas éternel, c'est juste un moyen pour te brûler les ailes. Reste avec tes frères, t'occupe pas de ces gonzesses. C'est une perte de temps car au final ils te délaissent. Pense au vrai, s'il te plaît, ne fais pas comme Jen. Ce Dieu pour une connerie. Tu l'as dit toi-même, ce n'est pas pour une fille que je vais souffrir. Ce n'est pas pour une fille que je vais partir. Mais tu pas en couille, des meufs il y en a plein. Ne faut pas en rester là. Trouve une meuf bien, tu seras heureux Inch'Allah. Et retourne auprès des tiens, je ne peux pas en dire plus. C'est à toi de faire ton choix. Mais de trop mec, ouvre les yeux, tu ne peux pas rester comme ça. Vivre à deux, ce n'est pas possible avec elle. Les yeux frais. Et moi ce son, c'est un message pour tous les mecs amoureux qui se sont fait tromper. Faites pas les cons, le suicide ça sert à rien du tout. Tu trouveras mieux que cet aspect. À quoi bon faire des conneries pour une meuf quand vaut pas la peine. Y'a des putes, y'a des meufs bien, c'est ça la vie. Un jour tu tomberas sur la bonne. Sad, psychopathe, 45 te chillant mon pote. Baisse pas les bras, reste un bonhomme.